Nous sommes tous pris dans l'engrenage comme une mise en cage. M'engage, s'engage à faire partie de l'équipage avec courage. J'énonce prête à tout casser sur mon passage, cause rage. Et passe à l'abordage, sur mes pages en guise de témoignage. Yo, malgré mon âge, yo, j'avance, porte mon jugement. Sans oubli à 100%, je joins les rangs qui avancent devant cette mise sous silence, sans répit. Pour le mouvement, on s'embarque à 100%. Quand un coup de matraque, la vérité, on la répand incessamment. Le gouvernement nous ment, c'est en plein effice. Il serait grand temps de se réveiller. L'avenir n'est pas si ensoleillé qu'on croit. Chez mon signe de croix, espérant changer ma destinée. Si je vois quantité de gens se faire manipuler par un système se basant sur les chaînes sociales, ce qu'il y a trop d'inégalités, trop de vautours qui roulent autour. Trop d'amour qui se perd tout partout autour. Trop de jeunes abandonnés, délaissés le long du parcours. Condamné à vivre en marge de société que t'as toujours ignoré. Tu as eu beau tout essayer, on t'a toujours tout refusé. On dit que tout le monde a sa place, et bien la tienne, on te l'a pris sans reste, sans même demander. Nous sommes tous pris en otage. En otage. Tous pris en otage. Par le système et sa loi. Tous pris en otage. Je me démène ma foi un système. Nous sommes tous pris en otage. Nous sommes tous pris en otage. En otage. Tous pris en otage. Par le système et ses lois. Tous pris en otage. Je me démène ma foi dans le système. Nous sommes tous pris en otage. C'est un cri du cœur que je lance à tous mes frères et sœurs. Y'a des trucs qui marchent, tout plus prometteurs qu'il faut. En ce territoire, tout le monde a ses leurs. Tout ce que t'as stéré était pleurs. T'es tiré tes labeurs ici-bas. On se bat tous pour obtenir le même pouvoir. En oubliant ses peurs, en causant la terreur dans le cœur de l'adversité. Sous le signe de l'adolescence, le geste de la violence est devenu banalisé. Et l'humanité a fait le choix de vivre la loi de chacun pour soi. Résigné à vivre chaque soir seul, sans personne dans ses bras. Et être sûr d'avoir fait le bon choix. On a su suivre la voie et perdre la foi. Nos droits, la loi les perçoit. On voit de plus en plus de jeunes qui pèsent les bras. On se demande pourquoi, garçon. La vie c'est dur, crois-moi. Dans la rue, ce qu'on voit, c'est des jeunes perdus, des jeunes corrompus, des jeunes têtus dont tu soucies même plus. Là-haut, on n'a aucune idée du tram qui se trame sous le macadam. Et tout, on déclame comprendre pourquoi le jeune se promène avec de grosses lames. Mais dis-moi, qu'est-ce que ça fait à toi de voir autant de jeunes dans un sale état? Nous sommes tous pris en otage. En otage. Tous pris en otage. Par le système et sa loi. Tous pris en otage. Je me démène ma foi un système. Nous sommes tous pris en otage. Nous sommes tous pris en otage. En otage. Tous pris en otage. Par le système et ses lois. Tous pris en otage. Je me démène ma foi dans le système. Nous sommes tous pris en otage.